Mosaïque. Bonjour pour les uns, bonsoir pour les autres et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, nous parlons commémoration. Commémoration des événements sanglants qui ont eu lieu à différentes époques dans l'histoire du Burundi. Il y a 24 ans, en effet, des étudiants de l'Université du Burundi ont été tués. Les rescapés ont commémoré l'événement le 11 juin dernier. Fin avril, début mai de l'année en cours, les anciens du petit séminaire de Bouta au sud du pays ont commémoré le 22e anniversaire de l'assassinat de leurs camarades, 40 élèves auxquels on veut coller aujourd'hui l'appellation de martyrs de la fraternité. Commémoration après commémoration, les uns et les autres se souviennent des dates sombres qui ont marqué leur milieu scolaire, professionnel, social. C'est le cas à Kibimba, à Bugendana, à Kivuka, à Teza, etc. La liste peut être plus longue que ça. Commémoration, quelle forme, quelle utilité et quelle finalité? Voilà le sujet qui va nous occuper au cours des quelques minutes qui vont suivre avec nos trois invités sur le plateau. Maître Jean Mouvayo, c'est le vice-président de l'association Zilikana UB 95. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association Zilikana UB 95, regroupant les victimes des massacres de l'Université du Burundi. C'était en 1995, n'est-ce pas? Oui, merci. Eric Ngengurutse, c'est le président de l'association Lumière du Monde, ALM en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous sommes également avec Rémi Habzalimana, président de la maison Lueur d'Espoir, c'est ça? Bonjour. Bonjour. La mise en onde est assurée par Eli Kadogo. Jérôme Nionzima est à la réalisation et au micro vous retrouvez Léon Sebitaliro. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue à l'émission Mosaïque. Permettez que je pose ma première question à vous, Maître Mouvayo Jean, vice-président de l'association Zilikana UB 95. Le 11 juin, vous avez commémoré le 24e anniversaire du massacre des étudiants de l'Université du Burundi. C'était en 1995. C'était quoi le message? Oui, merci de m'accorder la parole. Effectivement, le 11 juin, nous avons fait la commémoration du massacre des étudiants Hutu, qui a eu lieu en 1995 à l'Université du Burundi. Tout le monde s'en souvient. Et le même jour est née l'association Zilikana UB 95. Alors, nous sommes réunis depuis très longtemps, mais d'une façon dispersée. Et alors, on a jugé bon de regrouper les victimes et les escapés de ce massacre qui a eu lieu à l'Université du Burundi, justement, et en mémoire des illustres disparus de cette époque-là. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous avons fait une messe, à l'occurrence, à l'occasion de cette commémoration. Et nous estimons que c'est dans notre droit d'avoir un devoir de mémoire pour nos illustres disparus. Merci. Et l'association Zilikana UB 95, et UB c'est l'Université du Burundi, n'est-ce pas? Oui, oui. 95, c'est l'année, c'était 1995. Oui. Et l'association, vous dites qu'elle a été créée et le même jour, le 12 juin ou en 1995. L'association existait, mais de manière pas structurée et coordonnée. Mm-hmm. Mais ce jour-là, c'était dans l'avant-midi, l'Assemblée constituante. Mm-hmm. Et nous avons adopté les statuts et nous avons nommé la commission. Combien d'étudiants ont été tués? Pour le moment, nous avons une liste d'à peu près 90-95. Mmh. Et nous continuons toujours à écrire des informations parce qu'il y a des disparus ou bien des gens que nous écrivons sur la liste et puis quelques jours après nous les retraçons. Alors on n'a pas vraiment une liste exacte des étudiants qui ont été tués là-bas à l'Université du Burundi. Vous estimez que la liste peut être... Oui, au début c'était plus d'une centaine, mais la liste que nous avons actuellement approche déjà la centaine. Et vous affirmez que c'était des Hutus seuls qui ont été tués? Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas de Tutsi? Non, non. Aucun? Non. Vous vous rappelez donc des seuls Hutus? C'est pas que nous l'appelons donc des seuls Hutus, nous disons la vérité qu'il n'y a eu que des victimes Hutus à l'université de Burundi, à Mutanga, ce jour-là. C'était au campus Mutanga seulement. C'est à savoir. Eric Nkengurutse, c'est de l'association Lumière et du Monde. Vous aussi, vous commémorez chaque année les massacres qui ont emporté la vie de, je crois, 40 élèves, je ne sais pas si je me trompe, 40 élèves du petit séminaire de Bouta. C'était en 1997. La question est toujours la même, c'est quoi le message ? Fin avril et début mai, je ne sais pas la date, vous avez aussi commémoré. C'était quoi le message? Oui, effectivement, comme vous le dites, nous avons commémoré. C'était le 30 avril de cette année. Là, le message pour nous, c'est le message que nous lançons, le message de la fraternité. Contrairement à ce qui s'est passé à Bouta et dans d'autres où la population burundaise s'entretue à caractère ethnique, à cette époque-là, nous, les séminaristes, nous avons resté serrés et unis. Et à vous refuser de se séparer entre Hutus et Tutsis. Raison pour laquelle, parmi les 40 jeunes séminaristes qui ont été tués, il y a les Hutus et les Tutsis. Toutes ethnies confondues. Voilà. Est-ce que vous avez toujours le même message chaque année depuis 1997 ou 1998? C'est toujours le message jusqu'en 2019? Oui, c'est parce que le message que nous donnons, effectivement, c'est un message de cohésion sociale, un message de ce bon geste qui a été posé pendant cette matinée-là, un message qui pourra aider les Burundais à se réconcilier, à être unis, à l'image de ces 40 qui ont accepté de mourir ensemble étant encore jeunes. Je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, ou même avant, vous accusez ou vous n'accusez pas quelqu'un? Aujourd'hui, auteur de ces massacres, c'est qui? L'auteur, la justice n'a pas encore enquêté sur ça. Ça n'entre pas dans nos prérogatives pour faire des enquêtes ou faire ça. Mais le message que nous donnons, purement et simplement, c'était le message de cette unité qui nous a caractérisés ce jour-là. Je retourne un peu avant de poser la question à l'expert Rémi Habzalimana. Chez vous, maître Jean Mouvayo, est-ce que vous accusez quelqu'un comme auteur de ces massacres en 1995 à l'université du Burundi, campus Mutanga? Est-ce que vous accusez quelqu'un? Nous accusons un groupe et nous avons même porté plainte avant même à la justice burundaise. Parce que les événements qui se sont passés à l'université, la plupart des gens, des personnes qui étaient là, on a vu venir le coup, on a vu venir la préparation, on a tout vu, comme dans les discours du président de l'association. Quelle association? De Zirikana, UB 495. On était tous à l'université, on a vu les réunions des étudiants, de nos confrères étudiants qui étaient là. On a vu les discours qui ont précédé le massacre, les tueries en question. On a vu les mouvements des personnes des sans-échecs infiltrés à l'université. Bref, on a toutes les informations. Des sans-échecs qui étaient de l'université ou qui venaient d'ailleurs? Qui venaient d'ailleurs, qui ont été recrutés par ce même groupe. Je ne dis pas attention, je ne dis pas que tout le monde, les Tutsis, étaient dedans. Non, c'est un groupe de gens qui se disent que vous pouvez être identifier facilement identifiable. Facilement identifiable. Alors, le dossier est là. La personne qui dirigeait à l'époque la CR a été arrêtée. Alors, il y a d'autres complices dans lesquels nous demandons à la justice de continuer les enquêtes, d'ouvrir les enquêtes. Et nous pensons qu'un jour, la lumière sera faite pour justement rendre justice à ces jeunes Burundais qui sont partis, qui ont quitté la terre très tôt, très jeunes. Retour un peu aussi chez Eric Nkengurutse de l'association Lumière du Monde. Appellation martyr de la fraternité. Est-ce que vous défendez toujours martyr de la fraternité, ces élèves et séminaristes de Bouta? Aujourd'hui, auparavant, l'association s'appelait Association des Rescapés de Bouta. Après, on a changé le nom, la dénomination. L'association est devenue Association Lumière du Monde de Bouta. Parce que nous voulons que cette lumière qui a jailli au petit séminaire puisse être la lumière de tout le monde, la lumière des Burundais en particulier, plus généralement la lumière de tout le monde, qui peut éclairer les Burundais, afin que les crises cycliques qui ont secoué notre pays puissent trouver un peu de solutions. Et Rémi Habzalimana, vous êtes président de la maison Lueur d'Espoir. Il y a les anciens séminaristes de Bouta, regroupés au sein de cette association Lumière du Monde, et qui commémorent de leur côté. Il y a ceux de Zilikana UB 95 qui commémorent de leur côté. Quelle lecture faites-vous en tant que expert. Vous êtes expert en la matière. Merci beaucoup pour la question. Je vais d'abord peut-être commencer par féliciter tous ceux qui commémorent. Parce que justement, c'est une sorte d'expression pour dire « voilà, maintenant on peut ». Et ça, c'est, si vous voulez, une sorte de succession de faits. Parce que faudrait-il peut-être un peu circonscrire ces différents faits malheureux ou événements malheureux qui aujourd'hui font objet de commémoration. Nous sommes dans un pays, comme Ngrousset venait de le dire, un pays où on a connu et on connaît malheureusement encore une fois des morts répétitives. Et à un certain moment, les circonstances qui environnent ces morts font que les gens souvent n'ont pas les opportunités de vivre le deuil, de vivre la mort correctement. Parce que pour le cas de Bouta, les rescapés, ils sont obligés de fuir ceux qui le peuvent. Pour le cas de l'université, la même chose. Donc le lendemain, personne ne sait ce qu'il faut faire parce qu'il faut d'abord sauver sa peau, comme on dit, et puis voir ce qui suit. Malheureusement, ça va prendre beaucoup de temps pour que ces gens réfléchissent sur quitte cette, je dirais, coquille individuelle pour penser au reste de ceux qui vivent la même chose que la même personne. En fait, cela, malheureusement, vient rappeler ce qui s'est passé, même avant. Vous vous souviendrez que maintenant, nous commençons à voir des gens qui commémorent et qui font la levée de deuil définitive de ceux qui sont morts en 1972. C'est pour dire que depuis 1972, il y a des questions qui sont restées sans réponse. Alors, la crise malheureuse que vit notre pays fait que souvent, on ne sait pas ce qu'il faut faire face à la mort qui vous prend votre chair, vos chairs, et vous restez souvent sans réponse. Souvent, vous ne savez pas vous adresser à l'autorité publique. Vous ne savez pas même localiser souvent la personne disparue parce qu'il y en a dont on ne sait pas s'ils sont réellement morts. Il vient de le dire le président de Zirikana au bout, qui dit que par exemple, lorsqu'ils essayaient de faire l'enquête, ils se rendent compte que finalement, il y a l'un ou l'autre qui est ciblé, localisé, alors que jusque-là, ils ne savaient pas. C'est-à-dire que ils n'ont pas jusqu'ici la vraie liste. Non, ils n'ont pas la vraie liste. Mais la question est pourquoi ils n'en ont pas ? Pourquoi les gens sont morts et qu'on ne sait pas, justement, c'est-à-dire que les parents, les familles ne savent pas ce qu'il faut faire parce qu'ils ne peuvent pas clôturer le deuil ne sachant pas que la personne est morte ou pas. Ils ne peuvent pas non plus déclarer que la personne est morte parce qu'ils n'ont pas de preuves. Vous comprenez que vous passez beaucoup de temps en réfléchissant sur ce qu'il faut faire. Et malheureusement, c'est ce qui se fait pour plusieurs. Alors, lorsqu'il est question maintenant de penser à ce qu'il faut faire, on le pense différemment. Et il faut d'abord que ce groupe qui a vécu à peu près les mêmes circonstances se constituent, se mettent ensemble, se mettent à discuter. Et c'est pour cette raison que souvent, le début est fait par un petit groupe et l'équipe va s'élargissant. Et finalement, je me dis que demain, il y aura des formules pour un peu donner des orientations qu'il faut pour que tout le monde s'y retrouve. Mais jusque-là, c'est des réactions, j'allais dire, au début, spontanées, mais qui se généralisent sur un effectif plus important pour peut-être un peu faire le signe à l'autorité publique pour que finalement, on y réfléchisse, pas en tant qu'individu, pas en tant que groupe victime, mais en tant qu'autorité publique. Vous disiez tantôt qu'il y a toujours des questions sans réponse. Des questions sans réponse, pourquoi ? Si vous parlez des événements datant de 1972 et au-delà, 1988, 91, 93, etc. Mais toujours des questions sans réponse, pourquoi ? C'est justement les circonstances qui environnent ces tueries, ces morts. Lorsqu'une personne est prise à l'université, ils étaient pris dans leur chambre. En 72, ils pouvaient être, disons, conduits. On dit, ils y vont dans une réunion, par exemple, mais on ne sait pas ni le lieu, ni l'heure à laquelle la réunion commence, ni à quand ça se termine, mais le constat est que la personne n'est plus revenue. Alors, de ceux qui sont partis, les probabilités que la personne soit morte sont très, très grandes. Mais il y a des exceptions parce qu'il y avait soit des rescapés, une personne qui pouvait fuir, il va en Tanzanie et il passera beaucoup de temps sans faire signe parce que justement, il a peur de faire signe parce que faisant signe, vous vous faites localiser et vous mourrez. Alors, après des dizaines d'années, on a connu des cas de retour. Alors, les familles sont surpris, agréablement surpris. Oui. Mais plusieurs, à un certain moment, se disaient, on ne savait pas que tu vivais encore. Mais on n'avait pas non plus le droit de faire la levée de deuil. Alors, vous comprenez donc que durant toute cette période, il y a des questions sans réponse. Ça, c'est une question. Deux, cette personne qui souvent vient prendre la personne d'une famille, la famille la voit. Et souvent, on lui dit, tu ne dis rien. Au risque de subir la même chose. Et c'est ce qui se faisait en ce moment en 72. Lorsqu'en 72, les gens étaient partis, les familles n'avaient pas le droit de pleurer. Les leurs ne pouvaient même pas venir les voir, comme pour deuil, ce que l'on appelle en Kirundi Kugandara. Alors, vous comprenez que qui empêche qui? Et en ce moment-là, est-ce que vous comprenez cette fois-ci le sens de questions sans réponse? Alors, lorsque cette fois-ci, on en vient où on peut cette fois-ci le dire, c'est pour cette raison qu'un groupe se lève, surgit de quelque part et dit finalement, je pouvais l'avoir dit, ça n'a pas été possible, et maintenant que c'est possible, il faut le dire. Est-ce que vous, Eric Ngengurutse de l'association Lumière du Monde, tantôt il y a M. Mouvayo, Maître Mouvayo, qui disait qu'une affaire en justice est là, a été déposée, il est bien accueilli, il y a même quelqu'un qui est dans les mains de la justice. Est-ce que vous avez porté plainte en justice? Non. Pour l'affaire d'Obuta? Non, on n'a pas encore porté plainte jusqu'à aujourd'hui. Vous ne comptez pas porter plainte? Ça fait déjà 22 ans. Oui, ça fait 22 ans, effectivement. Le Burundi a connu des crises, il a été instable. Peut-être le moment venu, on pourra porter plainte. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore porté plainte. La voie que vous avez optée, c'est laquelle? La voie aujourd'hui que nous avons optée, c'est de lancer un message de fraternité, un message de réconciliation à l'image de ces jeunes qui avaient un âge compris 12-25 ans. Malgré leur chance de survivre encore, ils ont accepté de mourir ensemble. C'est même ce qui fait qu'aujourd'hui, le lien est devenu un lien de pèlerinage. C'est ce que nous mettons beaucoup en avant. Et Maître Mouvayo, qu'est-ce que vous attendez de la justice un jour? D'abord, je vais faire une petite rectification. Vous, ça fait déjà 24 ans. Je vais faire une petite rectification. Il y a eu autosaisine de la justice burundaise et nous nous sommes constitués partie civile, c'est-à-dire les victimes et les escapés de l'Université du Burundi. Nous espérons que la justice va travailler en conséquence parce que les conditions dans lesquelles l'État actuel se trouve, je pense qu'ils ont toute une expérience, toute une histoire derrière eux pour justement arrêter ce genre de génocide, ce genre de massacre, ce genre de situations qui sont impunies. Et c'est l'unique façon de garantir le bien-être de tout citoyen, de toute population, que plus jamais, en groupe ou en État, si tu veux, parce qu'en 72, ce n'est pas la question du jour. Tout est clair que c'est l'État qui a planifié ça. C'est l'État qui a tué les gens. Et puis l'État s'est pérennisé. Il a continué. Il y a un autre qui ont cédé. Ils ont voulu ne pas rendre public le génocide de 72. Aujourd'hui, il y a des gens qui crient haut et fort à la justice pour que, justement, la lumière soit faite sur le génocide de 72. Alors, l'État actuel vient, justement, de la plupart des victimes. L'État actuel vient des gens qui ont des enfants, des victimes de 72, et les gens qui sont très jeunes, qui n'ont pas vécu ce genre de situation, et il est de leur devoir d'empêcher que de telles situations se produisent encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a une volonté réelle, c'est pourquoi elle est sévère, il y a des commissions de l'unité, il y a des commissions contre le génocide, et il est de notre devoir, de membres des IRCANA UB95, d'accompagner cette option, ce travail, pour que les Burundais naissent, grandissent et vivent égaux dans leur propre pays. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez des facilités que vous n'aviez pas dans les années 95, 96, etc.? Effectivement, M. Rémy vient de le dire. Il n'était même pas question de pleurer, il n'était même pas question de faire enlever des deuils, il n'était même pas question de revendiquer quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas seulement apporté les vies humaines, ils ont même apporté leurs biens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez qualifier? On peut parler de tuerie, massacre ou génocide. Est-ce que vous pouvez qualifier ce qui est arrivé en 1995 contre les disparus, ces universitaires disparus? Écoutez, moi, personnellement, je ne suis pas... La personne qui qualifie un crime, c'est la personne qui a cette autorité de qualifier un crime. Mais si moi, en tant qu'individu, pas en tant que juriste, vous me demandez la qualification, en tant qu'une personne, c'est clair et net que c'est un génocide. Oui, parce que le génocide, dans sa définition globale, générale, c'est... Génocide, pourquoi? Justement, c'est là où je vais y arriver. C'est quand vous planifiez d'éliminer systématiquement un groupe appartenant à une ethnie, un groupe appartenant à une classe politique donnée, un groupe appartenant à un genre de société, et que vous les planifiez et vous les mettez à l'exécution. C'est ce qui a été. Ce massacre d'université du Burundi n'a pas été un fait du hasard. Il a été organisé, il a été planifié, organisé et exécuté. Donc, Que les seuls Hutus sont morts, c'est évident que les gens qui voulaient faire qui ont fait cela n'avaient que le seul objectif de faire disparaître à l'université du Burundi l'étudiant Hutu. Et s'il advenait que quelqu'un de Kibimba, les années 93, disait qu'il y a eu des élèves Tutsi qui ont été tués en masse, et s'il disait que c'est un génocide des Tutsi, il y aurait finalement plusieurs génocides au Burundi. Excusez, je ne suis pas là pour faire des parallélismes ou des comparaisons. Les vies sont les mêmes. Vous voyez, ma conviction, les vies sont les mêmes. Alors, quand tu as fait le parallélisme ou les comparaisons sur tel génocide ou pas, ou massacre ou pas, moi, je me dis que les vies sont les mêmes. La question que je m'avais posée, ce sont les massacres de l'université. Est-ce que vous pouvez qualifier Eric Nguengurutse de l'ALM, Association Lumière du Monde? Est-ce que vous pouvez qualifier? Merci encore une fois. Tuerie, massacre, génocide. Merci. C'est quoi ce qui est arrivé à Outa? Effectivement, comme Maître le disait, il est difficile de qualifier ces genres de crimes que le Burundi a connus. Avoir les différentes crises depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Burundi ne parvient même pas à avoir une même lecture sur le passé. Nous attendons jusqu'à aujourd'hui que la CVL puisse réécrire l'histoire. Donc, il me sera difficile de me prononcer là-dessus pour dire dans telle école, dans telle colline, dans telle province, il y a eu génocide ou pas. Parce que ces genres de crimes, nous ne sommes pas à mesure, même nous n'avons pas la capacité de qualifier, de dire tel acte a été génocide. Ce sont des crimes contre l'humanité qui, à un certain moment, pourraient être qualifiés comme des génocides ou pas. Dire que c'est un génocide ou quoi, ça risque d'amener des polémiques. Émission Mosaïque, pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, et je rappelle que nous sommes en train de parler de différentes commémorations de massacres qui ont eu lieu au Burundi, avec un accent particulier sur la forme, l'utilité et la finalité de ces commémorations, justement. Trois invités sont avec nous sur le plateau. Il s'agit de Maître Mouvayo Jean, vice-président de l'association Zirikana UB95, Eric Nguengurutse, président de l'association Lumière du Monde, ALM en sigle, et de Rémi Habzalimana, président de la maison Lueur d'Espoir. Rémi Habzalimana, justement, comment vous qualifiez les tueries qui ont été commises au Burundi? Ces crimes, est-ce que vous pouvez qualifier massacre, tuerie, génocide, et contre qui? Merci beaucoup. Parce qu'en effet, ces crimes ont été répétitifs. Oui, répétitifs. C'est vrai, mais localisable dans le temps et dans l'espace. Et aujourd'hui, si nous prenons les deux cas d'Obuta et de l'Université du Burundi, c'est des dates bien connues. Oui. On connaît la catégorie des victimes. Et la question, comme Maître Mouvayo le disait, en fait, s'il faut se mettre à qualifier, il faut, disons, se référer sur justement les définitions de ces différentes catégories de crimes. On sait les différents critères qu'il faut établir lorsqu'il faut qualifier de génocide. Mmh. Là où ça s'applique, nous ne discutons pas pour discuter, c'est ça. Et j'ai comme impression que la majorité, malheureusement au Burundi, on a peur de nommer parce qu'il y a justement le fait que si Bouta est qualifié de la sorte, c'est peut-être cette catégorie qui est visée. Si l'université est qualifiée de la sorte, c'est cette autre qui est visée. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas un problème. Mmh. Je crois que l'important, c'est de voir qu'il y a des vies humaines qui ont péri dans ces histoires. Et là, s'il faut qualifier, le qualifié de génocide ne vient pas remplacer la personne qui est partie. Mais ça n'arrêtait pas là pour ne pas justement aller au-delà, pour que le plus jamais ça existe et soit là. C'est ce qui fait que plusieurs essaient de s'exprimer différemment pour dire « commémorons, faisons ceci, faisons cela ». C'est en fait une façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'absence quasi totale de l'autorité publique qui doit clarifier les choses et qui doit orienter. Tous ces Burundais qui ont été tués, c'est des Burundais. C'est le pays qui a perdu. Mais c'est le même parent, finalement, qui a perdu des enfants. Et c'est à lui de venir pour un peu regrouper, remettre ensemble ceux qui restent et pour qu'il voit de la même manière ce qu'il faut planifier comme avenir. On ne peut rien changer sur l'histoire. Mais on peut décider ce qu'il faut tirer comme leçon afin de mieux nous orienter à l'avenir. Donc, dire que c'est qu'il faut qualifier ceci ou cela, pour moi, c'est secondaire, encore que ce n'est pas impossible de le faire, parce que les définitions, on les connaît, il faudrait l'appliquer à chaque cas et voir ce que ça peut être. Mais la question qui vient après, lorsque vous faites ce travail, c'est que les uns vont dire, ce n'est pas à l'individu, ce n'est pas à l'uni-communauté, c'est probablement au Conseil de sécurité. Donc là, moi, je me dis, c'est des polémiques que je mettrai en second lieu. Mais je souligne le fait que le pays a perdu et qu'il ne faudrait pas qu'il continue à perdre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les crimes qui ont été commis à différentes époques au Burundi ont donné des leçons aux Burundais aujourd'hui? Je crois, sans risque de me tromper, que oui. Mais à différents niveaux. Parce que d'abord, soulignons que ces malheureux événements ne sont pas les uns datent d'un certain temps, les autres sont très récents, ce qui fait que la lecture que l'on fait sur cela, justement, c'est ce qui complique la situation. Sinon, le fait est là, les constats sont là, les faits sont là et sont têtus. Alors, dire qu'on a étudié de cela, je crois sans risque de me tromper que oui. J'ai déjà entendu beaucoup de personnes qui sont, comment dire, qui regrette d'avoir participé à grande échelle dans les tueries de 72. Ils sont âgés. D'ailleurs, quelques-uns sont déjà morts. Mais c'est eux qui s'adressaient à leur fils, en 93 notamment, pour dire, s'il te plaît, ne meurs pas comme moi. Je souffre gravement de ce que j'ai fait et je le regrette. S'il y avait moyen... Vous avez des témoignages? Oui. S'il y avait moyen de rectifier le tir, je le ferai, mais ne faites pas et ne souffrez pas comme je le souffre. Ça, c'est ce qui se prononce en 93. Mais même après, les mouvements de sang-jeu dont Maître parlait tout à l'heure, nous en connaissons qui aujourd'hui le disent, qu'ils regrettent d'avoir perdu beaucoup de temps à aller tuer, à aller voler, piller, faire des choses, mais qu'entre-temps, ils ont arrêté leurs études. Ils n'ont plus poursuivi leur cursus. Et après, lorsque la crise prend un peu d'ampleur... Donc il y a des gens qui ont arrêté ou suspendu leur cursus pour aller tuer. Exactement. Ataguchi shiruhan, ataguchi ngirikibaba, tukwa nyinja C'est-à-dire qu'en ce moment-là, les convictions étaient, c'est la priorité du moment, il faut faire ça, il faut faire ça, ainsi de suite. Alors après, il le regrette. Alors je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait, je crois plutôt qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup d'autres personnes qui se disent, si les choses devraient se répéter, je ne prendrai pas la même position que telle. Donc, on n'a peut-être pas encore de bon cadre pour le dire et l'exprimer publiquement, mais je suis sûr que beaucoup de gens ont appris de notre histoire. Qu'est-ce qui manque justement pour qu'il y ait ce cadre pour le dire? Beaucoup de choses manquent. Nous avons déjà dit que le fait que chaque groupe se constitue en considérant seulement son point de vue par rapport à ce qu'il a vécu, c'est l'absence d'orientation générale. C'est qu'on n'a pas encore pris, disons, l'orientation ou décision ou je dirais même des principes basiques qui feraient que d'abord on arrête avec les morts répétitives. Parce que ce qui fait que les gens ne soient pas rassurés de ce qu'il faut, qu'ils vivent, ainsi de suite, est-ce que cela est établi? Alors, il y a beaucoup d'améliorations. La preuve, c'est que, mine de rien, au moins on y pense, on commémore, on dit, on souhaite, on s'exprime sur ce qu'il faut faire. Et on s'adresse même à des institutions précises pour dire que tel fasse ça, que tel fait. C'est-à-dire qu'on est en train de définir des cadres et des mécanismes pour justement faire face à cela. Mais est-ce qu'on y parvient déjà? Je crois que non. Donc c'est tout ce mécanisme qui ne prend pas encore le même canal pour que tout Burundais s'y sente et que finalement ils se disent « le mal est écarté, planifions l'avenir ». Et tant qu'on n'est pas sûr du demain, il est difficile de s'asseoir pour planifier justement. Il faut d'abord résoudre, apaiser les esprits et puis penser l'avenir. Eric de l'association Lumière du Monde, vous commémorez chaque fois le 30, donc fin avril de l'année, vous commémorez ces massacres de Bouta. Je posais la question tantôt à Maître Mouvaillot. Est-ce que vous avez toujours des facilités pour bien commémorer, pour lancer votre message? Je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun obstacle. Nous n'avons aucun problème pour le commémorer tel que nous le souhaitons. L'autre problème qui s'est posé, c'est pourquoi d'abord nous commémorons. L'utilité de cette commémoration, c'est pour prévenir, c'est pour éduquer. Là aussi, c'est pour qu'il y ait la non-répétition de ces crimes. Il est vrai qu'il est difficile, le message était toujours lancé, mais après quelques périodes, il advenait que les massacres reprennent l'air aride. Mais ce que quand même aujourd'hui, même si il y a la question que vous posez à monsieur à côté, de savoir si, même si nous commémorons, il y a eu des points positifs qui ont évolué. Moi, je peux dire oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en tant qu'ALM dans un collectif des associations des victimes, associations pour la réconciliation des victimes. Ça, c'est un collectif qui regroupe cette association ici de tendance différentes, Hutu Tutsi. Je peux dire qu'on peut également se féliciter parce qu'aujourd'hui, s'il y a une association des rescapés Hutu qui commémore, nous assistons, nous les accompagnons. Moi-même, dans la commémoration des étudiants qui ont été massacrés à l'université de Burundi, j'ai participé. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a justement, j'allais poser la question. Il y a un pas à franchir. J'allais poser la question de ce fait que, sur ce fait que vous commémorez seul, fin avril, et vous commémorez seul, est-ce que c'est le bon choix ou le choix serait de vous mettre ensemble avec les autres associations? Effectivement, le 30, il y a d'autres associations regroupées au sein du collectif qui nous accompagnent. Nous ne sommes pas les seuls. Ils nous accompagnent et même au niveau du collectif, nous avons fixé une date, la date du 15 décembre de chaque année a été définie comme une date pour toutes les victimes. Le 15 décembre de chaque année. Ça a été fixé depuis quand? Ça a été fixé depuis 2014. Nous organisons des ateliers, nous invitons les victimes, ils viennent, ils témoignent de leur vécu. C'est dans le but d'éduquer du plus jamais ça, en fait que les autres associations des victimes ou les victimes comprennent qu'ils ne sont pas les seuls à avoir le vécu, le malheur. Il faut qu'ils comprennent les frères. Si Hutu a été victime, il faut qu'ils comprennent qu'il y a aussi un Tutsi qui a été victime. Qu'ils se mettent ensemble, qu'ils réclament la justice ensemble, au lieu que chacun y va en solo. C'est presque la même question à Maître Mouvaïo Jean, vice-président de l'association Zilikana UB 95. À une date précise, disons précisément le 11 juin, vous commémorez, mais vous commémorez seul. Est-ce que vous estimez que c'est le bon choix? Est-ce que vous permettez que je fasse d'abord une observation sur la question que vous avez posée à Rémi sur les leçons tirées de tueries qui ont eu lieu dans notre pays, le Burundi? Justement, ces crimes, est-ce que ça donne des leçons pour qu'il n'y ait plus jamais ça dont on parle? Moi, je voulais d'abord faire une observation là-dessus. Les gens qui ont commis des crimes depuis 1961, 65, 72, 88, ce sont des gens qui, à force de leur organisation, ont pensé qu'ils avaient droit de vie ou de mort sur une certaine catégorie de la population burundaise. Est-ce qu'ils ont eu des leçons? Moi, je ne pense pas. Parce qu'ils l'ont fait plus d'une fois. Et aujourd'hui, je me dis que s'ils avaient encore l'occasion de le faire, ils pourront le faire. Mais Est-ce que ceux qui ont commis des crimes en 61, 72, 88, Ngamarangara, est-ce que ce sont toujours les mêmes? Pareil. Je ne suis pas venu là pour le dire, mais est-ce qu'ils ont eu des leçons? Non. La conscience, est-ce qu'elle est là? Non, pas du tout. Alors, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais c'est un clin d'œil, une alerte que les gens doivent savoir que si les crimes du genre ne se font plus aujourd'hui, c'est parce qu'ils en ont été empêchés, c'est parce que les gens se sont réveillés, parce que les gens se sont opposés à ne plus continuer à tuer les Burundais au nom de leur ethnie. Et stop, et ça, je ne pense pas qu'il y en aura encore au Burundi. Et vous pensez que vous allez y arriver? Nous allons faire des efforts parce que nous sommes victimes de rescapés de cette situation historique dont je viens de vous faire la lecture. Nous allons lutter pour que aucun Burundais ne puisse plus être victime de son origine ethnique, de sa pensée politique ou de sa région. Alors, pour répondre à la question, le 11 juin... La question de commémorer seul le 11 juin, est-ce que c'est le bon choix? Non, on ne commémore pas seul le 11 juin. Il y a des invitations publiques. Nous lançons des invitations publiques. Nous lançons des invitations des associations. Nous appelons l'Église. Nous appelons l'État. Nous appelons même les ambassades accréditées à Bujumbura de venir se joindre à nous. Nous, notre message, même si nous avons dit que la victime de ce jour-là était Hutu, notre message est clair. C'est la réconciliation. C'est d'œuvrer pour la société burundaise. C'est de faire accroître le patriotisme burundais, l'éducation civique, parce que si on a une conscience nationale, votre citoyen, la personne que tu vois devant toi n'est plus le Hutu, n'est plus le Tutsi. Il est burundais comme toi. Il a les mêmes droits comme toi. Alors nous travaillons dans ce sens-là et d'une manière déterminée pour que justement les gens ne puissent plus être victimes de leur origine ethnique, de leurs différences. Est-ce que vous joignez aux associations des victimes qui se disent Tutsi lors de leur commémoration? S'ils nous invitent, nous viendrons avec plaisir. Juste ici, pas encore d'invitation? On n'a jamais eu des invitations. Mais moi, je me dis que, connaissant le groupe, connaissant les gens avec lesquels nous travaillons ensemble, leur invitation sera bienvenue. Parce que, comme je vous ai dit, on est tous des victimes, on est tous des Burundais, et nous sommes tous des personnes humaines. Mais vous tendez vers là, la commémoration étant ensemble avec les autres groupes de victimes. Exact. C'était justement sur l'utilité ou la plus-value de ces commémorations étant seules ou étant ensemble, mais avec quelle finalité? Quelle finalité avec ces commémorations qui se font par groupe de victimes? Je vais commencer par vous, Eric, avant d'approcher Rémi et Abdelimane. Je disais que la finalité pour les commémorations, c'est pour prévenir, éduquer, connaître la vérité. Pour que ces crimes ne se répètent pas, il est vrai, comme je le disais, c'est difficile de les arrêter complètement. Mais quand même, ce que nous faisons, c'est pour aussi guérir les traumas. Parmi les victimes, il y a ceux qui ont été traumatisés. Ça, il faut tout faire pour sauver ces vies humaines qui ont échappé à ces différents événements qui ont secoué le pays. C'est ça ce que je peux dire, en tout cas, effectivement, pour guérir ces gens-là, mais également comme... Au niveau national, il est prévu qu'il y ait un monument unique pour toutes les commémorations, afin que chacun commémore de sa part. Ce monument unique permettra à la population burundaise d'avoir le même message adressé à toutes les victimes, afin que les Burundais puissent s'unir, avoir une unité, être ensemble, se voir comme des frères et des sœurs. Est-ce que vous estimez qu'une commémoration d'ensemble peut être possible et faire avancer les gens en quelque chose? Si l'État, le pays, si le dirigeant ont la volonté de le faire, il n'y aura aucun problème, ça devient totalement facile. D'ailleurs, ça, c'est un projet qui est en cours. Au niveau de la CVR, il est prévu qu'il y aura un monument unique pour toutes les commémorations. En fait, que les Hutus, les Tutsis, les Twa se rencontrent ici, le même monument avec le même message. Cela permettra à deux gens. Parce que si, par exemple, il y a des commémorations qui sont organisées et qu'il y a des mauvais messages qui sont lancés, ça risque d'activer la haine. Ce qui veut dire, il faut que, alors même les commémorations qui sont organisées, il faut que ces commémorations soient surveillées, soient orientées. Sinon, on risque de commémorer en même temps, lancer, éveiller les vieux démons et inciter les victimes, les rescapés à la vengeance et à la haine. La question à l'expert Rémi Habzalimana de la maison Lueur d'Espoir. La question essentielle de cette émission, c'était la commémoration, la forme, l'utilité et la finalité. Quelle serait votre lecture? Apparemment, les gens commémorent par groupe de victimes, je dirais en solo. Votre lecture, c'est quoi? Je l'avais dit, et j'y reviens, il y commémore, chaque groupe s'organise et essaie de lire la partie qui fait mal dans son coin. C'est une façon de lancer des messages. Dans son seul coin. Bien sûr. Parce que, quelque part, tant qu'un parent de tous ces enfants ne se lève pas pour dire « Je reconnais que chacun a souffert et je vais harmoniser la souffrance et je vais même aider à ce que chacun dépasse cela pour que la commémoration fasse sentir à chacun que finalement je suis compris. » Là, chacun voudra faire de son côté. Et je crois que les efforts sont justement orientés dans ce sens. Lorsqu'on va à l'intérieur de ce qui est prévu dans cette justice transitionnelle ici au Burundi, c'était justement dans ce sens de dire, faudrait-il que, non pas seulement dire plus jamais cela, mais tenir compte de ce pourquoi telle personne est commémorée. Qu'est-ce qui est à la cause de sa souffrance? Et qu'est-ce qui peut finalement atténuer sa souffrance? Et tant que cela n'est pas répondu, chacun voudra le faire. Et chaque fois que chaque groupe le fait, c'est une façon de lancer un message à l'autorité publique pour dire « Est-ce que vous comprenez que j'ai souffert? Est-ce que vous pouvez vous positionner sur ma souffrance ?» Et lorsque, justement, l'autorité publique prendra la position de dire « Nous comprenons que vous avez tous souffert, nous avons été là où vous avez été, nous voyons ce qu'il faut, et voilà ce que nous proposons comme solution. C'est une façon d'approcher ces victimes, et ils parlent, ils s'expriment, et en donnant des réponses à leurs questions, ils pourront s'entendre sur une forme qu'ils donneraient à cette commémoration. Sinon, avec le temps, plusieurs victimes devront s'exprimer de plusieurs manières parce que justement, chacun a souffert de sa manière. Et là, c'est leur droit. Et le positif, c'est qu'ils sont capables de l'exprimer. Et tant qu'ils le peuvent, c'est une bonne chose. Mais tant qu'ils le font en solo, comme vous le dites, c'est signe qu'il y a un élément important qui manque. C'est-à-dire que la lecture de la solution commune n'est pas encore trouvée. Parce qu'en commémorant, chacun a dans ses pensées qui en est la cause, qui est responsable, est-ce qu'il est puni, est-ce que je suis dans mes droits. Et tout ça, c'est encore une fois des questions qui ne trouvent pas encore de réponse. Et si ces questions ne trouvent pas de réponse... Et souvent, ce n'est pas à la victime de trouver les réponses. Encore une fois, c'est l'appel qui est lancé à l'autorité publique. Et une commémoration d'ensemble à une date commune, est-ce possible? Il a parlé tantôt de 12 ou 15 décembre. Ça, c'est une date qui a été fixée par ce collectif de cette association. Cette association. Donc, il faudra peut-être, dans la longue, cette association une date qui sera un collectif. Oui, oui. Donc, c'est possible. Rémi Abdelmala. Je crois que c'est difficile. C'est difficile parce que se positionner sur une date, la première question qui vient, pourquoi le 12 décembre, le 15 décembre, pardon. Chacun pourrait s'opposer parce que je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, le 29 avril, il y a des gens qui commençaient à manifester. Et d'ailleurs, cette année, ils l'ont fait d'une façon visible. On a vu des pancartes ici dans la ville. Parce que là, ils y sont en 72. Parce qu'ils disent que les événements de 72 commencent le 29. Alors, quelqu'un qui y a en sa tête le 29 avril, vous lui parlez le 15 décembre, il va vous poser la question. Quelle est l'importance de ce 12? Alors, mais comme je le disais tantôt, le problème pour moi, pour la victime d'ailleurs, ce n'est pas une date. Parce que même en commémorant, ce n'est pas ce qu'il a perdu qui revient. Mais c'est en fait une façon de dire « j'ai souffert ». Est-ce que vous vous en rendez compte? Alors, tant qu'il n'y a pas d'autorité qui dise « oui, on s'en rend compte », et la position de l'autorité publique ne viendra pas pour la participation seulement, c'est des gestes concrets. En étudiant Dobuta, je ne sais pas s'il y en a qui, à cette période, ont carrément arrêté leurs études, qui n'ont pas pu continuer à cause de cet événement, qui aujourd'hui est là, entend les commémorations. Ne pensez pas qu'il commémore comme Ngurutse, qui a eu la chance de continuer et de terminer ses études. Un étudiant de l'Université du Burundi en 1995, qui depuis n'a plus eu l'occasion de revenir étudier et qui a dû arrêter ses études à cette époque. Est-ce que l'État se comprend? Est-ce que lorsqu'il dit il commémore, il va dire qui sont en train de commémorer? Est-ce qu'il comprenne comment je suis en train de souffrir? Alors, cette harmonisation de souffrance implique des actions concrètes pour dire je reconnais que vous avez souffert, il y a un certain nombre de vos droits qui ont été bafoués et voilà ce que les spécialistes de la justice transitionnelle appellent les gestes symboliques, en fait, pour dire, voilà, nous reconnaissons, ça ne se fera plus. Là, celui qui n'a pas pu étudier, qui peut-être aujourd'hui n'est plus à l'âge d'étudier, il faut qu'il y ait des écoles où il voit que tout le monde a droit d'aller sans distinction aucune. Et là, vous comprenez que c'est tout un programme. Et là, je crois que les cris qui se font ici et là, de par les différentes catégories de victimes, sont en train de s'adresser à l'autorité publique. Et peut-être demain, effectivement, il y aura des programmes qui viennent justement pour répondre à cela. Des cris qui sont lancés. Maître Mouvayo Jean de l'association Zilikana UB 95, quel est ce cri, quel est ce message que vous pouvez lancer pour qu'il y ait le plus jamais ça et qui est pragmatique, concret. Je vais justement aller aborder la réponse dans le sens de M. Rémi Anna. Toujours l'État. L'État doit garantir l'égalité, l'équité et réhabiliter les victimes de toute cette tuerie, du génocide qui a eu lieu en 72, du massacre qui a eu lieu en 65. Beaucoup de gens ont perdu leur vie, ils ont perdu leur bien, ils ont perdu leurs droits, ils ont perdu leurs espoirs, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Le massacre de Ntagamarangara, les gens qui ont fait ça, ils sont là. Pourquoi avoir tué plus de 80 000 personnes dans des communes et ça passe comme ça? 80 000? Si je me souviens, mais c'était dans les 80 000, si je me souviens bien. Oui. Alors, aucune personne n'a été inquiétée. Personne n'a posé la question. Ces gens-là, ils ont été victimes dans les camps de réfugiés. Ces gens-là, ils sont partis pour de bon pour ne plus rentrer au Burundi. Ces gens-là, ils ne veulent même plus revenir au Burundi. Ces gens-là, dès l'université, ils n'ont plus continué les études. Ceux qui ont survécu, la plupart n'ont pas continué les études. Ils veulent savoir pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça. Alors, le message est que l'État Burundi assume sa responsabilité. Alors, nous allons travailler comme groupe de pression pour que cela puisse se faire, pour garantir l'espoir à tous les citoyens burundais. Merci. C'est le même message, Eric Nkengurutse de l'ALM, Association Lumière du Monde. Merci. J'aimerais revenir aussi le mois de décembre. Effectivement, on a appris le mois de décembre. C'était parce que le mois de décembre, c'est le mois que le Burundi n'a pas connu de victimes contrairement aux autres mois de l'année. Ça, c'est un point à part pour le message que je peux lancer, comme Maître Mouvet le disait. Sans l'État ou sans la volonté de l'État, il est difficile effectivement d'avancer pour connaître la vérité. Le message est lancé à l'État pour qu'il nous aide à reconnaître la vérité sur ce qui s'est passé dans le passé, précisément dans notre pays. Mais également, le message peut être lancé à l'endroit des victimes. Il faut que ces victimes reconnaissent reconnaissent leurs victimes et leurs droits, afin qu'ils se mettent ensemble pour donner, échanger les expériences de leur vécu, afin que personne ne continue pas à souffrir à cause de son appartenance ethnique. Merci. Et Rémi Havzalimana de la maison Lueur d'Espoir, un mot à placer, il y a le temps qui presse, un message à lancer pour qu'il y ait plus jamais ça qui soit concret. À deux niveaux, ou même trois. Le premier niveau, je crois que c'est déjà dit de par les interventions de ces victimes. Faudrait-il que chaque Burundais reconnaisse que finalement, les pertes se sentent dans les deux côtés. Chaque côté souffre et malheureusement, on est encore à l'étape où on ne sait pas encore mettre ensemble, s'exprimer ensemble pour que l'on se comprenne mutuellement. Donc, l'invitation aux victimes de faire cet élan afin de comprendre l'autre, un peu d'empathie. Deuxièmement, c'est au niveau des auteurs de ces crimes. Nous avons beaucoup de questions qui sont sans réponse. Parce que lorsque on parle de ces vers, le nombre, par exemple, de fosses communes qu'on est en train d'enregistrer et que malheureusement on ne parvient pas à en avoir tous, alors qu'on sait qu'il y a des acteurs qui connaissent mais qui ne veulent pas dire, c'est un signe éloquent que le problème est encore là. Parce que l'exemple le plus frappant, le roi Nalé V, on connaît dans quelle prison il était, la date à laquelle il a été tué, mais on ne sait pas localiser les restes de son corps. Miracle. Miracle, ça ne se fait qu'au Burundi. Donc, il y a un effort qui doit être fait du côté des auteurs des différents crimes pour que peut-être il y ait une certaine compréhension de la part des victimes pour dire finalement, ils sont en train de reconnaître et peut-être avançons vers le pardon. Enfin, c'est le rôle qui doit être joué par l'État, le gouvernement du Burundi. Il y a la notion de continuité de l'État. ça ne saurait pas assumer que c'est eux qui ont, les acteurs aujourd'hui, qui ont tué en 72, en 60, même avant ou après. Non, mais c'est l'État du Burundi qui était, qui est, et même demain, sera le parent de tous. Il faut qu'ils se positionnent et donnent des orientations sur un certain nombre de questions qui se posent. L'exemple, le cas le plus récent de l'Université du Burundi, lorsqu'on dit qu'on ne connaît pas encore l'effectif des étudiants tués. Là, c'est vraiment une volonté, je dirais, minime de l'administration, parce que consulter seulement les listes académiques, il y a lieu d'avoir plusieurs réponses sur l'effectif des étudiants tués à cette période. Mais que cela n'ait pas été fait depuis tout ce temps, ça cache encore une fois quelque chose, et c'est une complicité de par qui, et ainsi de suite. Et c'est parce que l'autorité n'a pas encore dit « fait ». Alors, c'est donc à ce niveau, à ce trois niveaux, où je me dis, pour peut-être avancer vers le plus jamais cela, il faut qu'à chaque niveau, il y ait des efforts visibles, sensibles. Et c'est possible. Et c'est très possible. Merci beaucoup. Merci, M. Rémi Habzalimana. Je rappelle que vous êtes président de la maison Lueur d'Espoir. Merci de votre participation. Merci de votre contribution. Merci aussi. Merci de m'avoir invité. Merci à Eric Ngengurutse. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Lumière du Monde, et regroupant les victimes des massacres de Bouta en 1997. Merci de votre participation et contribution à l'émission Mosaïque. Merci. Merci également à vous, Maître Jean Mouvaillot. Vous êtes le vice-président de l'association Zilikana UB95. Merci d'avoir participé, merci d'avoir contribué à cette émission Mosaïque. Je vous remercie également. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur différentes commémorations de certaines dates sombres de l'histoire du Burundi, avec un accent particulier sur la forme, l'utilité et la finalité. La mise en onde était assurée par Eli Kadogo, Jérôme Nyonzima était à la réalisation et au micro vous étiez avec Léonce Vitaliho. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.